Bouygues Télécom. Thibaut et Tiffaine, de Tours, parents d'ados ultra connectés, ont une connexion très lente qui n'arrête pas de planter. C'est pourquoi à la rentrée, ils souhaiteraient se doter de la fibre, mais pas à n'importe quel prix. Eh bien, Thibaut et Tiffaine, écoutez plutôt. En ce moment, chez Bouygues Télécom, rentrez sans compter avec notre série spéciale fibre, internet, téléphone et télévision pour seulement 14,99€ par mois pendant un an, puis 36,99€ par mois. Oui, la fibre à 14,99€. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Offre soumise à condition sous réserve d'éligibilité et de raccordement, engagement 12 mois. C'est un des autres sujets scientifiques brûlants de l'été, brûlant de façon littérale. La situation de l'océan Arctique est particulièrement préoccupante. Chaleur record, multiplication des feux de forêt à des latitudes plus septentrionales que jamais, fonte des glaciers canadiens et du Groenland, recul de la calotte glaciaire et fonte extrême de la banquise, à tel point que vous avez certainement entendu au cours de l'été de nombreux médias évoquer le point de non-retour, le tipping point après lequel, quels que soient les efforts consentis, la banquise, l'Arctique, voire l'entièreté du pôle Nord serait condamné sans qu'il ne soit possible de rien faire. C'est ce que nous allons tâcher d'examiner aujourd'hui. Arctique, le point de non-retour, c'est le programme polaire qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et nous continuons donc à faire le tour des grands moments de l'actualité scientifique de cet été, après le point sur l'épidémie de Covid, la nouvelle cartographie monumentale en trois dimensions de l'univers hier. Nous intéressons donc aujourd'hui à la situation climatologique de l'Arctique, cet océan si fragile, et nous le faisons en compagnie de Christophe Cassou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS, vous êtes l'un des auteurs du prochain rapport du GIEC 2021-2022. Nous sommes également en compagnie de Gaël Durand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes glaciologue, directeur de recherche CNRS, rattaché à l'Institut des géosciences de l'environnement de Grenoble. Mais avant, de mettre le cap au nord, on fait le tour de l'actualité des sciences et de la recherche avec celle qui, contrairement aux ours polaires, ne mange pas de phoques. Pardon. C'est Natacha Trelat. Pardon, excusez-moi. Alors, il fallait mettre un peu de joie. C'était un peu dur, cette rentrée en matière. Donc, rigolons un peu. Mais ça va être très sérieux pour le Journal des sciences. Bonjour, Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence le premier sujet pour ce journal. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a annoncé hier l'éradication de la poliomyélite sur le continent africain. Et le poliovirus est responsable de la polio, cette maladie très contagieuse qui a handicapé et tué plusieurs millions d'enfants. Depuis 4 ans, le Nigeria n'a enregistré aucun cas. Seuls le Pakistan et l'Afghanistan restent encore touchés. On peut donc saluer la campagne massive de vaccination menée par l'OMS depuis 1988. Rappelons que c'est grâce à la vaccination que l'on a réussi à éradiquer la variole en 1980. Mais dans le cas du poliovirus, c'est un peu plus compliqué. Pour bien comprendre, il existe deux vaccins. Un par injection, celui qu'on utilise en France, qui empêche le développement de la maladie, mais qui n'empêche pas le virus de circuler. Et un vaccin oral, en petites gouttes, qui est à base de virus atténué, et qui protège contre la maladie et contre la circulation du virus. Mais des souches de ce vaccin ont muté, et on a vu des foyers réapparaître. Peut-on alors espérer une éradication mondiale de la polio ? Francis Del Pérou est virologue et chercheur invité à l'Institut Pasteur. Souvent, lorsque les communautés ont réussi à éliminer les souches naturelles qui circulaient naturellement dans leur pays, ces pays ont souvent, pour des raisons de conflit, pour des raisons économiques, du mal à maintenir une couverture vaccinale assez élevée. Et cela les fragilise les communautés qui sont susceptibles soit d'être réinfectées par des souches sauvages en provenance des pays qui sont toujours endémiques, comme Pakistan, Afghanistan, et d'autre part, si la couverture vaccinale est faible, alors les souches vaccinales du vaccin poliovirus oral sont capables de circuler pendant longtemps et elles peuvent par des mutations génétiques redevenir pathogènes et être à l'origine de cas de poliomyélite. Et cela est maintenant le problème auquel l'OMS est confrontée et qu'elle tente de régler en jouant sur l'utilisation des deux vaccins qui sont disponibles. Et donc, pour éliminer les souches sauvages, il faut, jusqu'à maintenant, continuer d'utiliser ce vaccin oral, qui est un vaccin vivant, qui mime bien l'infection naturelle par le virus et qui établit bien cette immunité intestinale qui va réduire ou limiter considérablement toute infection par le virus et donc supprimer les personnes vaccinées de la population qui est sensible au virus. Il se trouve que des équipes soutenues par la Fondation Bill et Melinda Gates sont en train de développer des souches de virus vaccinaux atténués qui, j'espère, pourront être utilisés et qui sont génétiquement stabilisés. Ça serait un nouvel outil qui serait extrêmement favorable pour régler définitivement le problème de l'éradication. Voilà, comme chaque jour, hein, vous savez que vous pouvez retrouver toutes les études dont il est question, ainsi qu'un certain nombre de liens vers des articles pour compléter l'écoute de La Méthode Scientifique. C'est sur notre fil Twitter, @laméthodefc, ainsi que sur la page de La Méthode Scientifique sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Le synchrotron 4e génération de Grenoble est en route depuis hier. L'EBS pour Extremely Brilliant Source est le synchrotron le plus puissant du monde. La rénovation de cet accélérateur de particules a été financée par 22 pays. Il fait près de 900 mètres de circonférence et il est plus puissant que le précédent. Ses rayons X sont 100 fois plus brillants et plus pénétrants. Cet outil va permettre aux chercheurs de plonger dans l'infiniment petit. Il est déjà prévu que le synchrotron serve à mieux comprendre la structure du SARS-CoV-2. Une étude parue dans la revue Nature décrit la création d'un nouveau matériau pour l'impression 3D, les aérogels de silice imprimé. Et des chercheurs suisses ont inventé une nouvelle méthode pour façonner les aérogels. Les aérogels, ce sont des matériaux aux propriétés isolantes importantes. Ils sont largement utilisés dans l'isolation thermique ou dans les dispositifs optiques. Mais problème, ils sont aussi très fragiles et sont donc difficiles à manipuler. Jusqu'à présent, il était impossible de les utiliser pour des applications à petite échelle. L'équipe a surmonté cet inconvénient et a imprimé des objets d'aérogel de silice miniaturisés, des structures imprimées fines d'un dixième de millimètre. Avec cette innovation, les aérogels de silice s'ouvrent à la microélectronique, à la mécanique de précision et aux biotechnologies. Et enfin, selon une étude parue aujourd'hui dans la revue Frontiers in Microbiology, des bactéries pourraient survivre au voyage de la Terre à Mars. Et ce sont les résultats de la mission Tampopo, qui signifie pissenlit en japonais, où l'idée qu'une planète pourrait agir comme un pissenlit en soufflant la vie dans l'espace. Les chercheurs japonais ont expédié sur l'ISS une bactérie très résistante, la Deinococcus radiodurans. Des cellules ont été fixées à l'extérieur du vaisseau spatial pendant 3 ans. Malgré la microgravité, malgré les rayons ultraviolets intenses et les températures extrêmes, des cellules ont survécu. Les bactéries de la couche externe ont été détruites par les UV, mais ces cellules mortes ont protégé celles du dessous. Selon l'étude, une pastille d'un millimètre d'épaisseur de bactéries pourrait survivre jusqu'à 8 ans dans l'espace. Et si les bactéries peuvent survivre dans l'espace, elles peuvent donc voyager d'une planète à une autre. Merci beaucoup, Natacha. Eh bien, à demain pour le prochain Journal des Sciences. Excellent goûter, donc, avec un régime alimentaire plus équilibré. Merci. Vous avez donc certainement déjà tous vu ces animations, généralement produites par la NASA, de l'évolution de la banquise ces 40 dernières années, arrivant aujourd'hui à une surface extrêmement réduite, puisque selon la même NASA, en 30 ans, la banquise estivale a reculé de 96%. Vous avez aussi vu ces images impressionnantes d'icebergs de plusieurs dizaines de kilomètres carrés qui se détachent des glaciers au Canada ou au Groenland, le dernier en date, le 3 août, échappé du glacier de Milne, faisant près de 80 km². Vous avez évidemment vu ces vidéos déchirantes d'ours polaires isolés sur des bouts de banquise, amaigris, affamés, comme condamnés à l'extinction. Et j'en passe, tout cela pour vous dire que cela fait des années que nous sommes tous collectivement sensibilisés à la dégradation de la situation climatique dans l'océan Arctique, ce plus petit océan du monde où le réchauffement sévit 3 à 4 fois plus que sur le reste du globe. Petit florilège médiatique donc de ce que vous savez déjà. Et un chiffre sidérant et révélateur aussi. Cet été, dans l'Arctique canadien, près du pôle Nord, on a relevé une température de 22 degrés Celsius. J'ai bien dit 22 degrés, ça doit être à peu près la température moyenne qu'il a fait en France cet après-midi. Là, vous voyez, ça ressemble aux ailes d'un aigle. Mais si vous regardez une carte, vous vous apercevez que ça n'est plus du tout comme avant, parce que ça recule à toute vitesse. Et ce changement nous surprend nous-mêmes. On revient chaque année, parfois, on ne le reconnaît même pas. L'Arctique a perdu entre juin et août dernier 1,7 million de kilomètres carrés. C'est trois fois la superficie de la France. La fonte des glaces arctiques a pris une ampleur si dramatique que pour la première fois, le passage nord-ouest du Canada a pu être emprunté par un bateau. C'est la première fois que ça arrive. Au Groenland, la glace fond à vue d'œil. Cette année, le thermomètre est monté à 27 degrés au-dessus de zéro. Il y a 8 ans, pour la même période, le blizzard soufflait et les scientifiques devaient affronter une température de moins 35. Les étés sont plus chauds et les printemps apparaissent plus tôt. Je ne sais pas ce qui pourrait arrêter tout ça. C'est spectaculaire. En 36 ans, nous avons perdu une superficie de glace équivalente à 6 fois celle de la France. Vous voyez ces tuyaux ? Ils étaient dans la glace, mais ça a fondu. Vous imaginez combien de glace a fondu en un an ? Ça, là, c'est un an ? Oui, un an. Ça fait 6 mètres. Voilà, petit florilège, hein, ça ne date pas que de cette année. Certaines archives remontent jusqu'à 2015, notamment pour le passage du Nord-Ouest. Peut-être une réaction justement à ce traitement médiatique de la dégradation de l'évolution climatique de l'océan Arctique. Christophe Cassou, Gaël Durand, c'est difficile de ne pas être pessimiste quand on entend effectivement bien cette surenchère d'annonces qui sont des annonces assez préoccupantes, Gaël Durand. Oui, en effet, ça mériterait quelques définitions pour s'intéresser aux différentes qualités, enfin aux différents types de glace. Bien sûr, on va le dire, on va en parler dans un instant. mais oui, on peut pas rester neutre face à ces changements qui sont extrêmement importants, qui sont plus importants que la moyenne globale et qui impactent également nos latitudes sur le long terme. Christophe Cassou, votre réaction ? Oui, bien évidemment. On est tous, même les climatologues sont impressionnés par ce qui se passe en ce moment en Arctique, qui est une véritable sentinelle. C'est vraiment une zone sentinelle sur la santé du climat terrestre. Qu'est-ce qu'on entend par sentinelle ? Alors, sentinelle, en fait, c'est une zone qui nous informe de l'état de santé de notre planète en général. Parce que cette zone est une région où tous les processus, tous les signaux climatiques sont exacerbés, sont plus visibles que sur le reste de la planète. Il y a plein de raisons physiques, dynamiques, thermodynamiques qui conduisent à cette amplification des signaux climatiques sur cette zone. Et donc du coup, c'est comme une loupe. Comme une loupe de ce qui se passe sur l'ensemble de la planète. Il y a une information qui a particulièrement retenu l'attention médiatique, qui a été traitée récemment, là, il y a une quinzaine de jours. Une étude américaine qui a été publiée le 13 août dans la revue Nature, Earth and Environment par une équipe de l'université d'Ohio qui indique que les glaciers du Groenland auraient franchi un point de non-retour, un tipping point. Qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce qu'il faut aujourd'hui comprendre cette information, Gaël Durand ? Alors, cette étude se focalise sur l'évolution du bilan de masse du Groenland, donc c'est une calotte polaire, et montre que la perte de masse du Groenland est nettement plus importante et nettement plus fréquente sur les 20 dernières années, début du 21e siècle en comparaison du 20e siècle. Et que dans le cas où on reste sur des pertes équivalentes dans le futur, eh bien, on perdrait à terme irrémédiablement le Groenland. Alors, c'est pas. On perdrait le Groenland, on perdrait la calotte glaciaire du Groenland. On perdrait le Groenland en entier. Voilà, non, l'île resterait présente, mais la calotte viendrait irrémédiablement à fondre. C'est à relativiser. C'est pas cette étude qui nous qui nous dit si on a effectivement passé ce point de retour. La couverture médiatique a, à mon sens, été un tout petit peu exagérée. Par contre, il est vrai que la calotte du Groenland a un point de non-retour et la communauté s'accorde à dire que ce point de non-retour se situe autour de 1,5-2 degrés d'augmentation moyenne globale par rapport à la période pré-industrielle. Et il est évident qu'on n'en est pas loin. Ce qu'on donc, entend oui, par... c'est préoccupant à long terme. Ouais. Ce qu'on entend par point de non-retour, ce qu'on a beaucoup entendu dans les médias, c'est de dire, émettre cette hypothèse qui peut paraître un peu absurde, c'est de dire si le réchauffement climatique, si on arrêtait aujourd'hui de produire le moindre milligramme par partie, microgramme par partie de gaz à effet de serre, eh bien ça continuerait, ce serait déjà trop tard. C'est-à-dire que la mécanique est déjà enclenchée, qu'on ne peut plus rien y faire. C'est comme ça qu'il faut l'entendre, Gaël Durand ? Alors oui, parce que ça mérite de définir sur quelle période on regarde ça, puisque le climat de la Terre a varié sur des échelles géologiques de manière très importante. Mais là, c'est dans le cas d'un climat constant, on s'attend effectivement à ce que le Groenland diminue, notamment sur des échelles de temps longues qui sont de plusieurs siècles à plusieurs millénaires. Il est évident que du jour au lendemain, le Groenland, qui représente tout de même 7 mètres d'élévation du niveau de la mer, ne fondera pas sur des échelles de temps courtes. Christophe Cassou, sur cette étude et sur finalement l'ampleur médiatique qu'elle a rencontrée cet été, qu'en pensez-vous ? Je rejoins mon collègue Gaël Durand qui dit que bon, cette étude est vraiment intéressante. Elle s'inscrit dans les signaux d'alarme que on a pu lire, on a pu entendre depuis quelques décennies maintenant sur l'état de l'Arctique. Alors elle a été peut-être un petit peu surmédiatisée dans la mesure où on a quand même encore des incertitudes sur ces fameux tipping points, ces points de bascule. On sait qu'ils existent, on sait que on connaît les processus physiques qui peuvent conduire à ces tipping points. On a une incertitude sur la date de leur arrivée ou de leur mise en place et aussi des échelles de temps caractéristiques. Mais cette étude, pour moi, elle montre quelque chose qui est essentiel, c'est que cet océan arctique ou cette zone arctique est une zone, comme je disais au départ, qui est très sensible et peut-être juste une valeur ou très, très symbolique, très symptomatique de ce qui se passe. Si on considère que la température, si on considère que on suit les trajectoires de l'accord de Paris et donc que le climat et la température globale de la planète est stabilisée à plus 1,5 degré par rapport au début de l'ère industrielle, on a une chance sur 100 d'avoir l'océan Arctique libre de glace. Si au lieu d'avoir 1,5 degré, on a 2 degrés, un réchauffement de plus de 2 degrés, on passe à une chance sur 4, tout ça pour la fin du siècle. Donc vous voyez l'importance de ce petit 0,5 degré qui fait qu'on passe d'un état glacé dans l'océan Arctique à un état quasiment glacé, donc une année sur 4, à la fin du siècle. Donc cette zone-là est extrêmement sensible à des petits changements. C'est pour ça que j'ai employé le mot sentinelle au départ. On va essayer de comprendre justement pourquoi cette sensibilité de l'Arctique, comment s'établissent ces équilibres climatologiques, comment ils se dérèglent aussi. Et puis on essaiera d'examiner encore, évidemment au cours de cette émission, s'il est possible d'intervenir et de quelle façon. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est 16h18, vous écoutez donc la méthode scientifique consacrée à l'océan Arctique et bien à son état et à son équilibre climatologique. Nous en parlons avec Christophe Cassou et Gaël Durand. Peut-être qu'il est bon rapidement, Gaël Durand, de refaire peut-être un petit topo parce que bien pour certaines personnes, on confond encore un peu le nord, le sud, l'Arctique et l'Antarctique. Ce sont deux zones extrêmement différentes qui réagissent de façon extrêmement différente, qui sont structurellement extrêmement différentes. Vous pouvez peut-être nous rappeler un peu tout ça. Alors d'abord l'Arctique est au nord, l'Antarctique est au sud, c'est une première différence majeure. Et puis il y a une, une autre différence fondamentale aussi, c'est les températures et la réaction de la calotte polaire. Les températures restent très majoritairement négatives tout au long de l'année en Antarctique, si bien que la fonte à la surface de l'Antarctique est relativement minime, alors qu'elle est très très importante sur l'Arctique et sur le Groenland en particulier. Dans l'Arctique, il y a différents types de glace, hein, ce qu'on appelle la cryosphère, c'est les différents objets géophysiques qui contiennent de l'eau glacée. Il y en a deux sur lesquels il y a souvent une confusion, c'est ce qu'on appelle les calottes polaires. Donc les calottes polaires, c'est de l'accumulation de neige sur un continent. Cette neige, sous le poids des couches successives, se tasse, se densifie, devient de la glace. Puis cette glace s'écoule progressivement sous l'effet de son poids depuis le centre de la calotte jusqu'à sa périphérie. Et ça, c'est de l'eau douce. C'est de l'eau douce, absolument. C'est important de le préciser. Oui. Et on a des épaisseurs de glace qui sont considérables. Globalement, au centre du Groenland, l'épaisseur de la glace est de l'ordre de 3 km. Si bien que ça stocke de l'eau, dans le cycle de l'eau, sur les continents. Et donc, ce que je mentionnais tout à l'heure, le Groenland stocke à peu près l'équivalent de 7 mètres d'élévation du niveau de la mer. Alors, la confusion est souvent faite avec la banquise ou la glace de mer, où là, le processus est complètement différent, puisque c'est la mer qui gèle, et qui forme une couche de quelques mètres d'épaisseur avec une variation saisonnière importante et un minimum généralement début septembre pour l'Arctique. Elle va avoir un effet sur le climat qui est complètement différent. Et en particulier, comme c'est de la glace qui flotte, elle n'intervient pas sur l'élévation du niveau de la mer. Son rôle va être plutôt sur le bilan radiatif de la Terre, c'est-à-dire que ce sont des grandes étendues blanches qui vont refléter l'énergie solaire, et également en termes d'isolation entre l'atmosphère et l'océan. Christophe Cassou, est-ce que vous pouvez peut-être compléter ou rajouter quelques éléments à cette carte d'identité? On peut peut-être évoquer l'importance de l'Arctique. Déjà dire que l'Arctique c'est un océan, l'Antarctique c'est un continent, mais peut-être aussi évoquer l'importance de l'Arctique dans la régulation de la température, tant des océans que de l'atmosphère. Oui, voilà, c'est très important de bien différencier les deux. L'Arctique étant un océan, l'Antarctique étant un continent. L'Arctique est un océan qui est entouré de continents dont l'Eurasie et l'Amérique du Nord, alors que l'Antarctique est entouré d'un océan. Donc c'est vraiment complètement l'inverse. On est dans des configurations qui sont complètement opposées. L'océan, ce qui rend d'ailleurs la sensibilité au réchauffement climatique très différente. L'Antarctique se réchauffe peu parce qu'il est isolé par l'océan et parce qu'il y a 3000 mètres de glace, comme vient de le dire Gaël Durand, alors que l'Arctique est recouvert de banquise, qui au plus à 2-3 mètres d'épaisseur aujourd'hui, et donc une faible inertie, c'est-à-dire cette capacité de résister à des perturbations par rapport aux calottes. Donc c'est pour ça que l'Antarctique réagit beaucoup plus fortement que l'Arctique. Et justement, peut-être un mot à propos de l'Arctique et justement de cette fonte de la banquise. Donc on parle bien de la banquise, hein, des images que j'évoquais tout à l'heure, ces fameuses images, ces fameux clichés de la NASA que certainement beaucoup d'auditrices et d'auditeurs ont vu, où on voit l'évolution sur 40 ans et on voit cette banquise réduire. Qu'est-ce qu'il faut penser de ces vidéos qui sont effectivement très impressionnantes et qui laissent à penser, si l'évolution se poursuit, qu'un jour, eh bien, il n'y aura plus de banquise? Est-ce que c'est très grave, Gaël Durand, que un jour, eh bien, au maximum de l'été, il n'y ait plus de banquise du tout dans l'Arctique? Alors, est-ce que c'est grave? Ça va nécessairement impacter la faune, la flore locale. Ça va impacter potentiellement le climat sur les moyennes latitudes. Mais je laisserai Christophe élaborer sur ce point. Ça impacte aussi potentiellement notre économie, puisqu'il y a évidemment des vues sur ce passage du nord-est ou du nord-ouest, puisque ça rapproche l'Asie, de l'Europe et de la côte est des États-Unis. Christophe Cassou, en termes strictement environnementaux, quelles seraient les conséquences? Je peux préciser d'ailleurs que le minima de la banquise estivale enregistré, c'est en septembre 2012 avec 3,40 millions de kilomètres carrés. Et je viens de voir, grâce à un auditeur ou une auditrice sur Twitter, qui vient de nous rappeler qu'a priori, aujourd'hui, le minimum annuel d'étendue de la banquise a de très fortes chances d'être le deuxième le plus bas, justement, cette année, observé derrière le record de 2012. Christophe Cassou. Oui, il faut attendre un petit peu encore, environ un mois, pour savoir le classement de cette année 2020 dans le top des couvertures minimales de glace en Arctique. Hein. Donc ça se joue entre la deuxième place et la première place, et qui est toujours possible. La disparition de la banquise est grave parce que la banquise intervient dans la régulation de l'équilibre énergétique du système de la planète, donc la quantité d'énergie qu'a l'ensemble de la planète. En effet, la banquise est une surface qui est blanche et donc qui réfléchit les rayons du soleil, une partie des rayons du soleil. Si la banquise disparaît, cette capacité de réflexion diminue complètement, les rayons du soleil vont pénétrer dans l'océan et l'océan a la capacité de stocker l'énergie. Donc on rentre ici dans ce que nous, dans notre jargon, on appelle des boucles de rétroaction positive. C'est que la perte de la banquise entraîne une augmentation de la température de l'océan qui diminue encore plus la banquise, qui stocke de l'énergie et qui conduit à un réchauffement supplémentaire. Donc les processus physiques qui sont présents dans l'Arctique sont nombreux pour contribuer à cette amplification, à ces boucles de rétroaction positive. Et c'est pour ça que le fait de parler de la banquise n'est pas anecdotique, mais très important, parce que c'est l'ensemble de l'équilibre énergétique de la planète qui est ici affecté et qui est en jeu. Mmh. Je précise juste, là aussi pour nos auditrices et auditeurs, on parle effectivement de boucle de rétroaction positive. C'est une petite dissonance, hein, parce qu'on entend positif comme quelque chose de bénéfique, alors que c'est positif dans le sens où ça vient amplifier un mouvement, alors que quand on parle de boucle de rétroaction négative, c'est que ça vient contrer ce mouvement. Gaëlle Durand, des boucles de rétroaction positive, il y a celle que vient d'évoquer Christophe Cassou autour de la fonte de la banquise. Le problème, c'est qu'en Arctique, il y en a beaucoup qui sont en cours. Oui, et puis on a parlé du point de non-retour sur le Groenland et sur la calotte du Groenland, et c'est aussi un mécanisme de boucle de réaction positive. On pourrait caricaturer ça par un cercle vicieux. Mmh. C'est-à-dire que aujourd'hui, la surface du Groenland est approximativement à 3000 mètres d'altitude du fait qu'il y a une calotte. Et donc en conséquence, sur une année, les précipitations sont majoritairement solides. Mais si vous venez à fondre la calotte et que cette calotte donc diminue en altitude, eh bien, il y a un moment où ce n'est plus sur l'année de la neige qui va tomber à la surface de la calotte, mais de l'eau liquide. Et dans ce cas-là, la calotte polaire n'est plus alimentée. Et si elle est plus alimentée, elle va irrémédiablement diminuer pour disparaître. Donc il y a un certain nombre de ces rétroactions positives qui viennent amplifier des petits changements, et il y en a un en particulier qui intervient sur la capacité du Groenland à se maintenir dans un climat plus chaud. On dit de l'Arctique qu'il y a peu de processus stabilisateurs et beaucoup de processus amplificateurs. Comment est-ce qu'on explique ça, Christophe Cassou? Oui, et dans l'ensemble des processus, un très grand nombre de processus physiques conduit à une amplification de la perturbation initiale. On en a parlé de deux, il y en a un troisième aussi qui est assez important et qu'on a vu à l'œuvre cet été. C'est un processus qui est lié au feu de forêt, parce que, comme on l'a dit au départ, l'Antarctique est entouré de continents, et en particulier donc de taïga, de forêts boréales, en Sibérie et en Amérique du Nord, du Canada. Et lorsque les températures s'élèvent, on a des feux de forêt qui se déclenchent. Ces feux de forêt dégagent des quantités considérables de CO2 dans l'atmosphère. Et ce CO2 va augmenter l'effet de serre et donc amplifier le réchauffement. Et on est dans ce cercle vicieux. En fait, ce dégagement de CO2 va s'ajouter aux émissions de CO2 d'origine humaine, hein, des activités humaines, qui sont vraiment responsables de ce qui se passe en Arctique actuellement. On sait aujourd'hui avec une très grande certitude que la variabilité, les fluctuations que l'on voit aujourd'hui en Arctique sont directement attribuable aux activités humaines. Mmh. Pas une fluctuation naturelle. C'est incompatible avec les fluctuations naturelles qu'on a pu voir il y a quelques millénaires, il y a quelques même dans des périodes interglaciaires, des périodes plus chaudes, mais il y a des milliers d'années. Mmh. Aujourd'hui, on est dans le cas où l'homme est responsable de ce qui se passe maintenant. C'est intéressant ça, parce que c'est vrai que c'est des arguments que l'on entend, qu'on le retrouve beaucoup chez les personnes que l'on dit climato-sceptiques, qui disent finalement la Terre a connu des périodes où il n'y avait aucune calotte glaciaire, où il n'y avait pas de banquise au pôle Nord, et puis il y avait quand même de la vie sur les continents. Donc finalement, ces cycles-là sont des cycles naturels. Aujourd'hui, Gaël Durand, on peut attester que ce qui est en train de se passer, ça n'est pas juste un cycle naturel de notre planète, mais qu'il y a bien un effet anthropique qui est confirmé par les études et les différents papiers qui ont été publiés sur la question. Ah ouais, je crois que ça ne souffre aucun débat. Très sincèrement, ça ne souffre aucun débat. Donc effectivement, il y a eu des changements climatiques naturels importants, éventuellement rapides par le passé. Mais les changements qu'on observe aujourd'hui sont particulièrement rapide dans la dernière période stable d'interglaciaire actuelle qu'on appelle l'Anthropocène, et ne fait plus aucun doute pour la communauté spécialiste que nos activités sont responsables de ces changements. J'aimerais qu'on dise un mot aussi d'une autre actualité de cet été que vous décrivez, Gaël Durand, comme catastrophique pour le coup, et qui a l'air peut-être moins impressionnante quand on le voit comme ça, ou en tout cas que cette alerte au point de non-retour. Néanmoins, c'est quelque chose de très important au niveau justement de ce vaste écosystème polaire qu'est l'Arctique. C'est le détachement de la plateforme canadienne du glacier de Milne. Vous dites ça, vous dites qu'il s'agit d'un événement catastrophique. Pourquoi, Gaël Durand? Alors, celui-là spécifiquement, je ne sais pas si je devrais le considérer, le qualifier de catastrophique. Par contre, ce qui est globalement catastrophique, c'est qu'on observe ces plateformes de glace flottante. Donc, c'est le glacier, quand il s'écoule, s'il n'a pas fondu en surface et qu'il arrive en périphérie du continent, va se mettre à flotter sur l'océan. Donc, on observait ça dans l'Arctique. La dernière plateforme issue d'un glacier a disparu cet été pour l'Arctique canadien. Elles ont un rôle capital dans la dynamique des calottes polaires, en fait. C'est-à-dire qu'elles vont agir un petit peu comme un bouchon. Cette glace va remplir des baies et va agir comme un bouchon et retenir l'écoulement de la glace en amont. Parce que finalement, pour qu'une calotte polaire contribue à l'élévation du niveau de la mer, perde de la masse, il y a deux processus principaux. C'est que la glace fonde en surface et que cette eau ruisselle jusqu'à l'océan. Et puis, il y en a une autre, c'est que la glace s'écoule d'elle-même plus vite vers l'océan. Donc, pour donner un ordre d'idée, le plus gros glacier émissaire, donc, qui draine une grande partie du bilan de masse du Groenland, de l'ordre de 15% à peu près, le glacier du Jacobson-Isbray, sur la côte ouest, a vu sa vitesse augmenter en quelques années, entre le début des années 90 et le début des années 2000. La vitesse a été multipliée par 3 à 4. C'est-à-dire que c'est un glacier qui s'écoulait à 3 km par an pendant l'été, et qui aujourd'hui l'été s'écoule communément à des vitesses de 12 km par an. Donc il y a 4 fois plus de glace qui est drainée vers l'océan. Et c'est dû à ces plateformes flottantes qui viennent limiter l'écoulement amont des glaciers. Donc c'est pas tant cet événement-là qui est catastrophique, mais c'est d'observer aussi bien en Arctique d'ailleurs que dans la péninsule antarctique, la proéminence qui monte vers l'Amérique du Sud, que ces plateformes disparaissent progressivement et retiennent de moins en moins la glace, et que ces glaciers, les calottes, s'écoulent plus vite et mettent plus de glace vers l'océan. Christophe Cassou, sur ce sujet. Oui, c'est assez intéressant de faire un petit peu d'historique, en fait, sur cette dynamique de calotte, ou cette dynamique des plateformes de glace qui jouent un rôle important. Parce qu'il y a 30-40 ans, on considérait ces entités climatiques comme des composantes lentes du système climatique, qui réagissent lentement à la perturbation auxquelles elles sont soumises. Et aujourd'hui, on a vraiment une révision de cette de ces temps caractéristiques où on se rend compte, grâce à des observations qui sont bien meilleures, de bien meilleure qualité et bien meilleures réparties sur l'ensemble de l'Arctique, sur l'ensemble de l'Antarctique, grâce aussi à des modélisations qui sont faites, on se rend compte que tous ces processus-là sont plus rapides qu'on l'imaginait il y a 30-40 ans. Donc c'est, en fait, l'accroissement des connaissances dans ces zones-là tend à montrer que les processus qu'on connaissait tendent à être plus forts, plus amplifiants, on va dire, ou plus rapides que ce qu'on imaginait il y a 30-40 ans. Et on voit d'ailleurs hein, dans un certain nombre d'études qui sont sorties, il y en a eu plusieurs tout cet été sur le sujet. Il y a une étude danoise hein, de l'université de Copenhague, il y a l'étude que l'on évoquait tout à l'heure de l'université d'Ohio. Il y a une autre étude britannique de l'université de Lincoln. Et toutes les études disent une chose de façon assez unanime et univoque, c'est qu'effectivement, Gaël Durand, tout va beaucoup plus vite. Tous les marqueurs qui avaient été jusqu'à présent considérés comme en tout cas unanimes par la communauté scientifique sont en fait en retard, vraisemblablement, selon ces dernières études, par rapport à ce qu'il se passe en réalité. Oui, c'est tout à fait vrai. Je mentionnais la vitesse du Jacobson glacier au Groenland. Si vous aviez interrogé des glaciologues il y a 30 ans en disant qu'un glacier pouvait s'écouler à plus de 10 km par an, il y a de bonnes chances qu'ils vous aient ri au nez, parce que ça n'était tout simplement pas observé. Donc c'est le principe de la méthode scientifique. Hein. Mm-hmm. On base une théorie sur les observations qu'on a, et puis quand on a de nouvelles observations, on est amené à réviser sa théorie si on est plus prédictif. Ce qui est évident, c'est que l'ensemble des composantes de la cryosphère en Arctique est impacté, que ce soit les calottes polaires qui se sont mises à perdre massivement de la masse à la fin des années 90, début des années 2000, que ça soit la glace de mer, la banquise, pour laquelle on observe une diminution de son extension l'été de l'ordre de 10% toutes les décennies depuis maintenant 40 ans, que ça soit la couverture de neige, l'ensemble de ces composantes va plus vite que ce à quoi on s'attendait. Et je suis biaisé parce que c'est mon objet d'étude fétiche, les calottes polaires, ça a été une très grosse surprise au tournant des années 2000. On ne pensait pas qu'elles pouvaient réagir avec cette vitesse-là. Et c'est, d'ailleurs, ça se voit très bien si on fait un petit peu d'historique des rapports du GIEC. Globalement, jusqu'au rapport de... j'ai plus les années exactes, mais le grand changement se fait en 2007, où avant on dit finalement l'élévation du niveau de la mer, c'est quelque chose qu'on comprend assez bien. La composante principale, c'est la dilatation thermique des océans. On sait relativement bien la prévoir. Et puis on s'est aperçu que le Groenland se mettait à perdre massivement de la masse, que l'Antarctique se mettait à perdre massivement de la masse, que les glaciers continuaient à perdre massivement de la masse, si bien que le taux d'augmentation du niveau de la mer a doublé ces 20 dernières années à peu près par rapport au siècle précédent. Voilà, et on va ajouter un terme à cette équation qui est déjà assez préoccupante, comme je vous le disais au début de cette émission. On va vous parler dans un instant des pergées du sol, et vous allez voir que là encore, les boucles de rétroaction ne vont pas véritablement dans le bon sens. J'ai des doutes sur le changement d'heure en été. J'ai des doutes sur qui coulent les bateaux, qui jettent les pavés. Des réserves quant à la question d'angle pour le canapé. J'ai des doutes sur la notion de longévité. Sur la remise à flot de la crème renversée. J'ai des doutes, est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez? Des doutes, des idées, des hommes, des carrés, des allongés. Est-ce que vous en avez? des devises, des pensées, de l'assise du cœur. J'ai des doutes sur l'heure à laquelle tu viens de rentrer. La certitude de t'avoir si fort désiré. J'ai des doutes, est-ce que vous en avez eu? Je milite au parti zombie. Je milite mais je m'ennuie. J'ai la détente sensible, l'étiquette fragile, le champagne douce. J'honore la passion bulle sans une seule virgule. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez? Des loups, des idées, des rêves de douceur éveillés. Le goût du danger, des routes à prendre ou à laisser. Est-ce que vous en avez? Du réseau, des rougeurs, des nerfs d'acier. Est-ce que vous en avez? Déchiffrer les affaires, les valises, les noyautés, les médias, les cerises. Couper court à l'appel de la brise et livrer le secret des banquises. Le secret des banquises, c'est ce que nous essayons de percer tout au long de cette heure dans la méthode scientifique sur France Culture, grâce et avec Alain Bachung, également en compagnie de Christophe Cassou, qui est directeur de recherche CNRS, l'un des auteurs du prochain rapport du GIEC, ce sera en 2021-2022, et Gaël Durand, qui est glaciologue, directeur de recherche CNRS, rattaché à l'Institut de géosciences de l'environnement de Grenoble. Eh bien, nous allons donc parler des pergélisols maintenant. Peut-être qu'on peut redéfinir rapidement, avant d'entendre le reportage d'Antoine Beauchamp, Christophe Cassou, qu'est-ce qu'on entend précisément par pergélisol? Alors, le pergélisol, c'est l'ensemble des terres qui restent gelées en profondeur tout au long de l'année. Et en fait, ces terres-là, ces sols-là, ont gelé pendant la dernière glaciation, n'ont pas dégelé depuis. Donc en fait, c'est des vestiges de l'ère, de la dernière ère glaciaire qui s'est terminée il y a à peu près 20 000 ans aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que vous l'entendez peut-être, hein, vous qui nous écoutez, sous le terme de permafrost, hein, qui est un anglicisme, en français on dit pergélisol, et donc on entend bien beaucoup parler de leur fonte comme d'une bombe à retardement ou d'une épée de Damoclès qui planerait au-dessus de la tête de l'humanité, comme une sorte d'estocade de la future apocalypse ou de la future apocalypse climatique. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Si la fonte des pergélisols est de facto préoccupante, leur étude est pour autant particulièrement complexe. Oui, c'est ce que nous dit Christophe Grenier, qui est chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement au CEA à Saclay. Christophe Grenier mène des recherches en Yakoutie, qui est une région de Sibérie orientale, et il s'intéresse aux processus hydrogéologiques à l'œuvre dans ces milieux froids. La température joue un rôle évidemment important dans l'évolution des pergélisols qui sont confrontés au réchauffement climatique et qui changent de comportement, entre guillemets, depuis quelques années. Christophe Grenier nous explique donc comment le réchauffement climatique transforme progressivement ce pergélisol sibérien et comment les paysages s'en trouvent eux aussi modifiés. Sur les régions sibériennes, nous avons un travail en commun avec un laboratoire à côté, qui est le laboratoire GEOPS, et en collaboration avec le Melnikov Permafrost Institute. Dans la région de Yakoutsk, on est sur l'Alena, donc à peu près au niveau de la Corée, donc très à l'est. Et on est dans une région qui n'est pas très élevée, c'est-à-dire 63 degrés nord à peu près, mais dans lequel l'ensemble de l'historique a amené le développement d'un pergélisol qui fait par endroits plus d'un kilomètre, c'est-à-dire c'est les records de pergélisol. D'épaisseur. On parle d'épaisseur. Tout à fait. Donc pour décrire rapidement le pergélisol dans ces régions-là, le sol présente une couche superficielle qui réchauffe en été, qu'on appelle la zone active, et à partir d'une certaine profondeur, on a le pergélisol qui est installé, qui est donc une couche très dure, qui a quelques variations de température dans sa partie supérieure, mais qui en profondeur est à des températures de moins 1, moins 2, moins 3, ça dépend un petit peu suivant les zones. Donc on a, dans ces zones de pergélisol, des situations du sous-sol gelé, mais une vie en surface qui peut se développer et qui, dans la zone dans laquelle on est une zone de taïga, donc c'est une zone de forêt, de pins, avec très très étendue. Le pergélisol se trouve sur à peu près 25% des surfaces continentales émergées de la partie nord de l'hémisphère. Donc on est face à un système qui est très développé à partir des hémisphères, enfin dans l'hémisphère nord, à partir de latitudes suffisamment élevées. Donc on est face à un phénomène important, enfin qui couvre des zones importantes, mais qui peut présenter une diversité de conditions en fonction des propriétés du sol, des propriétés climatiques, et en particulier la zone dans laquelle nous travaillons est une zone dans laquelle les températures annuelles sont actuellement de l'ordre de moins 9 degrés, étaient dans l'ordre de moins 11 degrés il y a quelques années, dans les années 80, avec une grande variabilité thermique pendant l'année. C'est très continental, donc on a des températures chaudes, on est même monté jusqu'à 40 cette année, et c'est plutôt du moins 50 l'hiver, donc un battement d'environ 80 degrés, mais une température annuelle moyenne négative installée depuis très longtemps. On peut quand même dire aussi qu'il y a différents aspects dans le pergélisol, et la Yakoussie est un lieu qui est aussi intéressant par le fait qu'on peut avoir une forte concentration de glace dans le sol. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle des coins de glace qui sont présents dans le sol. Et ce qui est important pour l'évolution climatique, c'est aussi que ces coins de glace, qui peuvent être assez développés, peuvent être présents jusqu'à peu près 2 mètres de profondeur. C'est-à-dire qu'on trouve sur ces régions-là une vulnérabilité accrue. Si l'onde de chaud, en particulier avec un été particulièrement chaud, va amener un pic d'approfondissement de l'isotherme zéro qui touche le toit de la zone glacée, on a à partir de là une fonte de cette zone. Et dans cette situation-là, l'eau remonte, le sol descend, on a une subsidence et on a formation de lacs. Donc ça, c'est un phénomène qui est désigné par le terme de thermokarst. Et là, pour le coup, on n'a pas, entre guillemets, uniquement des phénomènes d'érosion, par exemple, un sol qui est plus meuble, avec des conséquences mécaniques, un système hydrologique qui évolue. Là, on a vraiment une morphologie qui évolue, c'est-à-dire on a creusement de lacs qui se fait dans ce système-là. De quels outils vous disposez pour étudier l'évolution de ce pergélisol dans cette région-là? En fait, il y a différents volets associés au pergélisol, mais sur la stricte mesure du pergélisol, c'est évidemment par le moyen de forage, de mesures thermiques, qui a possibilité d'accéder, on va dire, à la température du sol, qui est une des variables clés. Un autre aspect sur la répartition du pergélisol qui peut présenter des hétérogénéités. Donc on a aussi des questions sur la répartition spatiale du pergélisol. Et là, des moyens géophysiques de type radar, de type ERT, résistivité électrique, permettent de remonter à des informations correspondant à ces sols, et en particulier à leur température, ou en tout cas à la répartition des zones gelées. Dans le cadre de vos travaux de recherche, quelle évolution notable vous avez perçue sur ce pergélisol-là en question? Et comment vous l'avez modélisé? Sur l'aspect expérimental et mesure, on a parlé de différents éléments importants, c'est-à-dire surtout la mesure de la température et des répartitions géométriques. Un autre aspect, et ça va faire partie de la réponse à la question, c'est que l'évolution de la température du sol va dépendre d'autres aspects, donc qui sont des aspects climatiques. Et les observations qu'on a, nous, depuis qu'on est sur place, en 2012, mais qui correspondent plus largement à ce qui a été fait par des collègues, donc avec plus d'antériorité, c'est que la variabilité météorologique, simplement, est assez importante, et donc occasionne aussi des variabilités de la température du sol, en tout cas pour les couches superficielles, qui, elles, varient dans le temps, qui sont relativement différentes d'une année à l'autre. Au-delà de ça, on a un petit peu de recul sur la région, en tout cas à partir des années 80, pour avoir une évolution de la température qui est plutôt pour la région de l'ordre d'à peu près 2 degrés en moyenne annuelle, mais un approfondissement des couches, de la couche dégelée, qui va un petit peu varier en fonction des zones sur lesquelles on travaille et des endroits en Yakoussie, donc plus largement, qui est relativement étiré. Donc on peut observer un réchauffement global du sol, mais avec une grande variabilité temporelle et une grande différence de spatialité. Voilà le reportage donc sur ces pergélisols, la complexité de leur étude. Peut-être un mot, une réaction sur ce que vous venez d'entendre, Gaël Durand. J'ai pas grand chose à ajouter. Je pense que Christophe en rajoutera probablement en parlant de la quantité de carbone importante qui peut être stockée dans ce pergélisol et qui peut être amenée à être relarguée dans l'atmosphère lorsque le pergélisol fond et donc là encore basculer vers une boucle de réaction, de rétroaction positive avec une fonte qui amène plus un relargage de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui amène à plus de réchauffement et plus de fonte. Mais on voit bien, Christophe Cassou, que ce sont des écosystèmes très complexes, que la simplicité ou la simplification à outrance nous pousserait à suivre ou à écouter ces gros titres comme étant à prendre au mot exactement en disant voilà, le tipping point, le point de non-retour est arrivé, les pergélisols sont en train, enfin tout ça est en train de s'effondrer sous nos yeux et on voit tout de même qu'il reste là-dedans certaines mécaniques qui sont encore relativement obscures et qu'on ne comprend pas bien, ou en tout cas des liens ou certaines boucles de rétroaction que l'on pensait pouvoir voir, en tout cas se mettre en route, qui ne le font pas. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Oui, il faut être très très prudent quand on parle du pergélisol, et mon collègue du LSCE a bien insister sur la complexité. Il existe encore des incertitudes associées en particulier aux émissions de CO2 ou de méthane qui sont stockées dans ce pergélisol. Émissions qui sont CO2 et méthane qui sont rejetées dans l'atmosphère quand ce pergélisol sort. On a encore des incertitudes sur la mesure globale, l'estimation globale de ces émissions quand on considère l'échelle planétaire. On a des mesures locales, il est difficile de passer à l'échelle. Donc attention aux messages simplificateurs. Mmh. On a encore des connaissances à acquérir sur cet écosystème-là. J'aimerais bien quand même souligner que même si je parle ici d'incertitude, on sait que les processus qui pourraient potentiellement se mettre en route seraient des processus amplificateurs. Ce ne sont pas des processus, c'est des boucles de rétroaction positive. Le cercle vicieux se mettrait en route. Ce n'est pas des processus stabilisateurs. Donc l'idée, c'est, même si on ne sait pas exactement quantifier ce processus, c'est d'éviter de se rapprocher du point de bascule ou de l'enclenchement de ces processus. Mmh. D'éviter donc d'avoir des températures qui augmentent trop vite parce que, et de manière très, très importante, parce que on arriverait à l'explication de ces processus-là. Alors justement, puisqu'on l'évoquait tout à l'heure, beaucoup de processus amplificateurs, peu de processus stabilisateurs en Arctique, alors que c'est plutôt l'inverse en Antarctique. Pour conclure cette émission dans les quelques minutes qu'il nous reste, puisqu'on voit bien, et puis on en parlait tout à l'heure avec Antoine Beauchamp, c'est la 5e saison de la méthode scientifique, ça n'est pas la première que nous consacrons ni à l'Arctique ni en banquise, et on voit nous-mêmes avec notre regard d'observateur que les dernières études sont effectivement de plus en plus préoccupantes et qu'il y a un effet indéniable d'accélération, en tout cas d'observation, de constat d'une accélération par rapport au modèle qui avait été produit ces dernières années. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui des possibilités d'action locale ou globale pour freiner, pour stabiliser ce qui est en train de se passer, un certain nombre de ces boucles de rétroaction positive, pour éventuellement les interrompre? Est-ce qu'on est un peu désarmé? Je ne sais pas. C'est vrai que tout ça est assez préoccupant, et encore, pour utiliser un euphémisme, quand on en parle pendant 50 minutes, Gaël Durand. Sur ces aspects de points de non-retour, le traitement médiatique qui en est fait, donc c'est des points de non-retour qui c'est avéré, il y a de la physique derrière. La chose qui me dérange, c'est que ce soit interprété comme foutu pour foutu, tout est fini, c'est foutu pour foutu, le traitement du climat et de l'environnement, c'est open bar, je pars tout de suite en vacances dans l'hémisphère sud pour passer l'hiver prochain, et rétrospectivement dans l'autre sens. Bref, faut surtout pas voir ça comme ça, parce que pour reprendre le cas de la calotte du Groenland avec son point de bascule, qu'on ne sait pas encore aujourd'hui si on l'a franchi et on sait qu'il n'est pas si éloigné que ça de notre climat actuel, il y a quelque chose qui fait consensus, c'est que plus on réchauffera, plus le changement de masse du Groenland sera rapide. Et plus on réchauffera longtemps, plus le changement de masse sera rapide. Donc, voir le Groenland qui serait peut-être un jour irrémédiablement perdu à climat au moins constant, plus ce climat sera chaud, plus ce changement sera rapide, plus notre adaptation sera délicate. Ensuite, est-ce qu'on peut faire des choses? Je pense qu'on a tous dans nos poches deux cartes. Une carte d'électeur et une carte bleue. Ces deux cartes sont fondamentales pour faire changer les comportements. Si vous n'achetez pas un produit, il ne sera plus vendu. Si vous votez pour quelqu'un qui ne considère pas le changement climatique comme une problématique majeure, de sociétale majeure, eh bien, vous savez quel choix vous faites pour l'avenir. Christophe Cassou, votre opinion à ce sujet pour conclure? Je rejoins totalement ce que dit mon collègue Gaël Durand. Aujourd'hui, de toute façon, on sait que la seule manière de limiter le réchauffement, c'est d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, s'engager rapidement dans une transition sobre en CO2, en émissions de CO2, une transition qui soit juste, bien évidemment, et qui soit respectueuse des écosystèmes et des sociétés humaines, s'engager dans cette transition-là n'est plus une option. C'est vraiment une nécessité. Et perdre du temps, refuser de s'y engager pleinement, aujourd'hui, ça peut être même considéré, enfin, en tout cas, moi, je la considère comme une faute historique. Et ça relève de l'irresponsabilité. On a cet article qui est le, pour reprendre une image, une métaphore, qui est le canari dans la mine. C'est-à-dire qu'il nous informe qu'on est en train de basculer vers un climat qui sera différent et qui sera préjudiciable, qui entraînera des dégâts importants sur les écosystèmes marins, terrestres et sur les sociétés humaines. Et il faut agir très rapidement, quoi. Alors, il y a deux façons de conclure cette émission. La première, c'est de dire est-ce qu'il y a d'autres endroits du globe qui l'Antarctique, par exemple, ou d'autres zones qui peuvent fonctionner à l'inverse, c'est-à-dire pour compenser ce qui est en train de se passer. Est-ce que ça existe, ça, en un mot, Gaël Durand? Alors, l'Antarctique fonctionne pas de la même manière, mais la calotte de l'Antarctique a également des points de bascule qui sont, pour des raisons physiques très différentes, mais qui sont également dans ces gammes de température, et avec des potentiels d'élévation du niveau des mers qui sont encore plus élevés. Donc, comme le permafrost, comme beaucoup de processus, il y a des mécanismes qui peuvent s'enclencher. Plus on réchauffera, plus on a de chances d'avoir de mauvaises surprises climatiques, parce que souvent ces processus sont amplificateurs. Donc non, à ma connaissance, des boucles de rétroaction négatives, donc qui viendraient à adoucir le changement, j'en ai pas d'évidentes qui me viennent à l'esprit dans la machine climatique. Peut-être que Christophe en a, mais Christophe Cassou, je compterai pas trop là-dessus. Non, j'en ai pas non plus. Et puis vraiment considéré comme notre planète, comme un tout, il n'y a pas de région qui ne va pas souffrir du changement climatique. Certaines souffrent déjà beaucoup, comme les zones arctiques, l'amplification du réchauffement est plus forte, mais les zones méditerranéennes, qui connaissent des sécheresses qui sont très importantes, d'autres régions vont être touchées tôt ou tard. Il n'y aura pas une région habitable, alors je ne parle pas de l'Antarctique, il restera quand même inhabitable. Il n'y a pas de région habitable qui ne sera pas touchée par le changement climatique. Bon, eh bien, ce sera le mot de la fin. On ne parlera donc évidemment pas de l'abrogation du président américain et de la possibilité d'effectuer des forages dans les zones arctiques qui a été récemment également décrété cet été. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, Christophe Cassou, Gaël Durand, d'être venus nous parler de cet océan arctique, de la fragilité de cet océan arctique et de son état suite à ses dernières publications cet été. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Céline Sabine Lozen, Natacha Triou, Antoine Beauchamp, François Malordi, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Alexandra Longa à la réalisation. Aujourd'hui, Jean-Frédéric à la technique. Demain, nous aurons le plaisir de recevoir une chercheuse que vous avez déjà entendue sur notre antenne et dont nous apprécions tout particulièrement le travail. Nous parlerons de paléontologie, d'anthropologie, de paléo-anthropologie et de génétique, car il y a au moins 4% de Néandertal qui sommeillent en chacun et en chacune d'entre nous. Evelyne Heyer sera notre invitée demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.